Si elle quittait la ville, je la suivrais d'un pas tranquille. Elle pouvait pas m'échapper. Même si elle changeait de nom, de voiture et de maison, je saurais où la trouver. Même si elle n'est dans ma vie qu'un reflet de nostalgie, je flash pour elle, pour son corps. Je t'ai